Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Olivier Verriel. Bonjour Julien. Merci de m'avoir invité. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, une banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Pour moi, c'est vraiment la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Moi, c'est la NEF qui me permet de donner la parole à des personnes qui participent activement au 2030 Glorieux. Je suis fier de ce soutien. Je vous invite à ouvrir un livret chez la NEF pour que vous soyez, vous aussi, fiers de votre banque. Ouais, je suis heureux de te donner la parole, Olivier. Toi, tu es directeur de la société Scholtes de fabrication, la SCF, qui crée et fabrique des accessoires textiles étroits pour des clients du monde entier. C'est une histoire qui perdure dans le temps, depuis même plus d'un demi-siècle. Donc, c'est hyper intéressant. Très heureux de te donner la parole. On va parler de réindustrialisation, de savoir-faire, de tiers-lieux. Enfin, il y a plein de choses qui se combine dans l'aventure de la SCF. Mais avant que tu nous racontes tout ça, Olivier, je te pose une question qui est un peu une question pour la gratter, peut-être une question dont on a marre aussi, mais peut-être que j'ai aussi envie de t'inviter à nous proposer une réponse un peu différente de celle que tu fais d'habitude si jamais tu te retrouverais à nouveau dans cette situation. Imagine que tu rencontres des inconnus, on te pose cette donc fameuse question de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui en 2005, Olivier ? Ah bah c'est pas tellement une question poil à gratter, c'est plutôt une question moi qui me passionne parce qu'on adore parler de soi-même déjà. Donc moi je pense que tout simplement dans un cadre professionnel, je fais tout pour apporter, je dirais, des conditions qui donnent le sourire aux gens qui viennent passer beaucoup d'heures par jour ici et donc une grosse partie de leur partie de vie où ils ne sont pas à dormir, puisque quand on regarde, en fait, sur toute la parcours professionnel de nos vies, eh bien, on y passe un gros tiers de notre temps au travail. Et je dis souvent aux gens, si vous n'êtes plus avec la banane, si vous n'êtes pas heureux de venir, je suis jamais fâché que quelqu'un vienne me dire, je veux faire autre chose, je vais m'en aller, monsieur. Parce que si c'est pour un projet, c'est pour positif, quoi. On vient pas pour, j'en ai ras le bol, j'étais trop loin, mais parce que j'ai un projet, je me dis, mais après tout, si nous, on a emmené les gens à ce projet qui partent, eh ben, c'est désolant parce que c'est très long de former les gens ici. Mais je suis un peu embêté. Je ne veux pas dire que je suis heureux, mais je vais rien faire contre parce que voilà, on vient pas au boulot pour pas être heureux, quoi. Et quand je vois des gens qui font la tête, là, j'ai une ou deux personnes en ce moment, on est 50 quand même, tout de suite, je m'inquiète, quoi. Parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Voilà. Donc, c'est, bizarre peut-être comme réponse pour un entrepreneur, mais c'est celle-ci que je voulais vous faire. Quand on m'a parlé de la SCF, puisque on reviendra à ce sujet, vous êtes emprunteur de la NEF et au moment où avec Chloé Daval qui m'aide sur ces sujets, qui travaille notamment dans l'équipe com de la NEF, je cherchais à donner la parole à des personnes qui travaillent à l'industrialisation ou la réindustrialisation de la France dans le bon sens. Elle me parle de la SCF et pour moi, excuse-moi si je le dis un peu frontalement, mais tu vois, la SCF, ça fait un peu société d'avant, on sent que ça n'a pas été créé à notre époque. Ça fait un peu OSS 117. J'ai l'impression que ça a quelques décennies, hein, la SCF, c'est ça? C'est presque d'un Oui, autre temps. oui. C'est immatriculé en 69. Donc, bon, dans un sens, ce n'est pas récent. Ce n'est pas une start-up. On est loin de là. Pas non plus très ancien. L'histoire commence bien avant, puisqu'à l'origine, la famille qui avait cette entreprise, ils s'appellent les Ferchaud, et ce sont des entrepreneurs, je dirais, typiques de la région, hein, c'est-à-dire des gens qui ont appris à entreprendre sans beaucoup de moyens, et ils font, comme beaucoup, beaucoup de gens dans la région ici, donc on est dans la région de Cholet, donc géographiquement, vous êtes un triangle, hein, vers le sud, entre Nantes et Angers. Donc une cinquantaine de kilomètres de la Loire, région très pauvre depuis la Révolution française, et donc qui est sauvée par l'entrepreneuriat, textile ou autre, il y a beaucoup de textiles. Et à l'époque, le grand sujet depuis le 19e, c'est, vous avez tous eu ça, sans doute à la maison, touché, c'est les draps de lin blancs, un peu lourds, qu'avaient nos grands-mères, qu'on n'a pas osé jeter pendant des années, et souvent moi je ne les ai pas jetés par exemple, et qui ont servi à plein d'autres choses, y compris des nappes d'ailleurs, et puis qui reviennent à la mode maintenant d'ailleurs, hein, pour trouver des draps en lin plus légers qu'avant. Mais les Ferchaud font ça, et dans les années 60, comme tout le monde, l'inventure s'arrête. Bon. L'inventure s'arrête parce que toutes les usines de fabrication de ces draps de lin s'arrêtent. Et eux honorent toutes leurs dettes, ferment leur usine, et se retrouvent dans une ferme. Et cette ferme, dans un village à quelques kilomètres de Cholet, de nom un peu complexe, de Bégrolles, même si vous prononcez Bégrolles, il y a un S à la fin, en Mauges. Bon. Et puis, cette ferme est un verger. Vraisemblablement, peu de temps après s'être installé dans cette ferme, il y a une dynastie familiale régionale qui a une fameuse marque de chaussures qui existe toujours. Et pour rien cacher, c'est Eram. Et c'est une des rares entreprises encore à produire des chaussures en France, et pourtant c'est pas du haut de gamme, c'est de la qualité, mais pas du haut de gamme. Et donc le patriarche à l'époque de la famille Eram vient les voir en leur disant bah, tu vas nous faire des lacets. Bon. L'expression est-elle vraie ou fausse, j'ai pas pu la vérifier, mais il lui aurait dit à Benjamin Ferchaud, il s'appelait Benjamin, plutôt que faire des pommes, tu vas me faire des lacets. Et il commence sans immatriculer l'entreprise dans la grange de la ferme. Voilà. Et c'est comme ça que ça va débuter. Donc, on est avant les années 69, puisque l'entreprise était matriculée en janvier 69. Vraisemblablement qu'à l'époque, les choses pouvaient se faire simplement. Le statut d'entrepreneur n'existait pas, mais ils avaient dû le faire sans statut du tout. Et puis, qu'à un moment, en bon entendement, les administrations locales sont venues les voir en leur disant « Bon, on va peut-être falloir mettre tout ça sur tes pompiers. » Voilà. Et moi, je découvre la SCF, je fais le travail d'aller chercher un peu ce que vous faites, je lis quelques-unes de tes interviews, je vais sur votre site internet, et là, je vois les époques qui se percutent et qui cohabitent avec, je vois des machines d'un autre temps, mais quand même le souci d'innover, vous vendez à travers le monde entier. Raconte-moi, Olivier, ce qui fait que l'entreprise, tu me disais, avant 69, puis immatriculation en 69, elle existe encore aujourd'hui, contrairement à tant d'autres entreprises qui, elles, ont périclité au moment de la fin des Trente Glorieuses. Alors oui, c'est une question sur laquelle, évidemment, je vais avoir une réponse sur un prisme plutôt récent, puisque moi, je suis arrivé dans cette histoire qu'en 2010. Je peux un petit peu répondre avant. C'est une entreprise résiliente puisqu'elle a eu un parcours un peu cabossé, elle a failli fermer en 98. C'est une histoire assez d'ailleurs étonnante hein, parce qu'elle avait des beaux marchés puisque c'était le grand boom de la fabrication de chaussures en France. Elle avait commencé à fabriquer des sangles pour les anses de sac d'un fameux maroquinier, une fameuse marque parisienne et puis qu'on fait toujours sur un gros marché. Et puis, elle s'était lancée déjà dans le technique, à l'époque, des sangles étaient fabriquées pour porter des portes-fenêtres, pour faire des poignées à partir de sangles, mais aussi pour fabriquer des harnais de sécurité. Donc, il y avait déjà des marchés très diversifiés, extrêmement techniques, et hors des marchés plus ou moins liés à la mode, qui était la chaussure et puis les sacs. Et là, il y a une mésentente familiale, et la société va au tribunal de commerce. Et le tribunal décide de remettre alors c'est assez marrant, au fils le plus jeune, ils étaient trois, et qui n'était pas du tout, il était orthodontiste, donc comme quoi entrepreneur, D'accord. Et il s'appelle Jacques Ferchaud. Donc, il va beaucoup développer en 4 ans l'entreprise, puisqu'il fait même agrandir un bâtiment qui est inauguré en 2002. Et ce monsieur était une forte personnalité. Et il décède très brutalement d'un cancer qui n'a même pas fait diagnostiquer. Enfin, il diagnostiquait beaucoup trop tard, mais il dessine très rapidement ce cancer. Il s'était marié avec une ouvrière et puis vision vraisemblablement que je qualifierais quand même de machiste, parce que à partir du moment où on décide de quelque chose à la place d'une femme, c'est très machiste. Mais il avait décidé à la place de cette ouvrière qui était son épouse, et qu'ils ont eu 2 filles, de ne plus travailler dans l'usine. Il lui avait payé une boutique, et ça est évidemment pas du tout entendable comme manière de faire. Et je n'excuserai pas cette attitude par le fait que c'était à cette époque. Bon, voilà. Ça, c'est très personnel, ce que je vous dis. J'ai une vision plutôt féministe des choses. C'est un peu choquant. Cette femme était ouvrière, elle s'appelle Annie Ferchaud. Alors, ça, on l'a, par contre, on a très belle histoire. Eh ben, contre toute attente, elle va dire, je veux diriger l'usine. Comme quoi, elle voulait pas de la boutique, et elle va se donner corps et âme pour diriger avec les moyens qu'elle avait. Une intelligence, je dirais, bien terrienne. Et elle va tenir cette usine. Et c'est elle que je rencontre en 2009. Et c'est avec elle que cette confiance va se construire. C'est elle qui choisit son cédant. C'est pas moi qui choisis l'entreprise et qui décide de me céder l'entreprise en 2010. Donc je signe l'aventure en 2000. Je signe l'acquisition en 2000 août 2010. Et fais-nous rentrer dans l'usine, s'il te plaît. Des dizaines de machines, tu nous as dit une 50aine d'employés, toutes les époques en termes d'innovation, de technique pour des clients du monde entier. Oui, à l'époque, Julien, en fait, il y a 18 personnes. On a vraisemblablement autour de 500 personnes. Alors, on va voir qu'il y a eu des cycles après de sauvegarde de savoir-faire plus que d'acquisition. Et à l'époque, donc, du coup, quand j'achète en 2010, le marché de la chaussure a déjà fortement décliné, beaucoup de fermetures d'usines. Il y a donc toujours ce marché sur les sangles, mais qui décline beaucoup. Et moi, je sens qu'il y a un embryon sur les marchés de la mode et du luxe. Et puis, on a un très beau marché qui est pas encore énorme, mais qui est en forte croissance sur le sport, avec une marque française. Alors, je vais vous la nommer, on nomme pas les clients, mais je vous le nomme, on a une telle relation de confiance avec eux, qui s'appelle Salomon. Alors, Salomon, tout le monde connaît parce que c'est devenu très, très à la mode depuis un an. On a un marché sur les chaussures de ski, on fait les tire-bottes, tout ce qui sert à mettre votre chaussure de ski. Et puis, surtout, un très beau marché avec eux sur le lacet très spécial qui ressemble à un câble que vous avez sur les Salomon. Bon. Et donc, on envoie tout ça en Asie. Donc, on exporte. Non, c'est pas un bug. Il n'y a pas eu un martien qui est intervenu, Julien, dans le podcast. Mais oui, nous sommes une industrie textile qui exporte en Asie une forte part de notre chiffre d'affaires. Voilà, il faut l'entendre et c'est comme ça. Et donc tout ça, c'est pas moi, c'est Annie qui va maintenir tout ça. Et puis moi mon parcours après, c'est de se dire, le marché de la chaussure va pas durer, c'est encore une grosse part de notre chiffre d'affaires, peut-être 30 ou 40% en 2010. Le luxe, c'est faible, il y a un fort potentiel. Le sport avec Salomon va continuer à se développer. Et puis on a tous des marchés techniques qu'on peut continuer à développer. Et je me dis, mais pour y arriver, il faut se baser sur, je vous l'ai fait très bref, on pourra développer après, mais il y a un pilier qui est de se dire, si on veut séduire la mode, il faut fonctionner comme la mode, donc leur présenter des collections, c'est-à-dire faire des collections 2 fois par an, faire des shootings, monter nos jolis produits en illustrant l'utilisation sur un sweat, le cordon, sur une dentelle, puisqu'on a des dentelles maintenant, sur un vêtement, sur un drap, parce qu'il y a des dentelles sur les draps, sur un joli galon, sur une veste, etc., etc. Et c'était aussi de restructurer l'usine sur des méthodes modernes de fonctionnement, des méthodes d'organisation. Alors, il y a un mot qu'on appelle le lean, on pourra peut-être en parler. Donc ça, c'était un deuxième pilier. Et il y avait un troisième qui était de beaucoup retravailler la manière dont on approche des clients qu'on ne connaît pas. Dans notre jargon, on appelle ça un prospect. Voilà, et ça, c'était 3 piliers auxquels je vais me baser. Pour arriver au résultat, on est passé de 18 personnes, on est 50. Quand j'avais racheté, on avait clôturé 1,4 million. Et là, on clôture au-dessus de 4 millions d'euros. Donc, un développement, je dirais, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est très important? En tout cas, un développement certain. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Tu sais, Olivier, moi, je t'interview de Lyon. Et à Lyon, on a une histoire vis-à-vis de cette industrie qui est particulière et notamment un musée qui nous montre les vieux métiers à tisser en bois. Ouais, extraordinaire. Vous avez toutes les époques de métiers à tisser, de ce que j'ai compris dans votre usine. Alors, si revenons un petit peu sur bien situé qui nous sommes. Donc, SCF vulgairement achète du fil, beaucoup de fil, hein, plus de 50 à 100 tonnes par an selon les années. Bon, énormément de fil. De ce fil, on va l'assembler pour faire des produits que l'on appelle étroits. C'est-à-dire que le monde textile est divisé en deux grands mondes. La grande largeur, la petite largeur. On dit lèse, hein, petite lèse, grande lèse. Nous, on est dans la petite lèse. C'est-à-dire qu'en gros, le produit maximum, la largeur maximum qu'on va faire, c'est, on compte en centimètres d'ailleurs, c'est 50 à 70 centimètres. Concrètement, qu'est-ce qu'on fabrique? On va faire des sangles, soit pour des marchés techniques, soit pour des marchés de mode, des galons, c'est un peu un tissage, mais étroit, c'est un peu plus fin, pardon, des passepoils, tas de types de cordons jusqu'à la corde, etc., etc. Qu'en petite largeur. Et on assemble ces fils selon trois techniques, dont deux sont très connues. Le tissage, puisque Julien, tu viens de le nommer. Le tissage, en gros, c'est qu'il y a plein de fils en tout droit, et à angle droit, il y a quelques fils qui viennent croiser en passant dessus-dessous ces fils qui vont tout droit pour former ce qu'on appelle une armure, donc un type de tissage, hein. Le satin est un tissage. Le gros grain est un tissage. Donc, selon le nom de cette armure, bah, c'est un croisement différent des fils à angle droit. Donc, un tissage est assez tenu. Si on prend effectivement le tissu d'une chemise ou d'un drap, on tire dessus, on voit que c'est assez rigide, c'est assez tenu. Le tricot, tout le monde connaît, ça fait un croisement de fils en faisant des boucles. Tout le monde connaît parce que soi-même, on pratique ou on a vu sa grand-mère pratiquer, mais ça peut dater. Et le tricot est très connu. Et donc, c'est la deuxième technique. Et là, tout pareil, on fait des petits tubes, on fait des petits cordons. Beaucoup pour les shorts de bain, par exemple, on a des gros marchés là-dessus. Et le troisième système d'assemblage, c'est sans doute celui que vous touchez le plus souvent dans votre vie, mais le moins connu. Et d'ailleurs, toi-même, comme 99,9% des gens à qui je parle, ils me disent tissage. Or, le plus de métiers que l'on a, c'est en tressage. Alors, le tressage est un entrecroisement oblique de fil. Donc, qu'est-ce que vous avez en tresse que vous touchez tous les jours? Vos lacets, les cordons d'un sweat, la corde d'un bateau, la corde en montagne, la corde pour lever des seaux sur un chantier, des cordes, des petits cordons extrêmement minuscules qu'on va utiliser pour opérer les gens et les coudre. Ce qu'on vient de relocaliser en Europe, là, pour la première fois depuis des années, le câble de pêche avec une très jolie société à Brest qui s'appelle Fiche, parce qu'il y a trois i. Et donc, super petite société avec des jeunes extraordinaires. Qui nous ont, on a fait des recherches pendant 2 ans avec l'université pour relocaliser en Europe le premier câble de pêche de qualité qui n'est pas d'Asie, quoi. Bon, même si en Asie, ils travaillent très bien dans certains pays. C'est l'occurrence de nos concurrents sur ces câbles de qualité. Donc, la tresse, vous la trouvez partout, partout. Le plus gros tresseur en France fabrique des tresses en métal pour des jointures en électricité, dans les moteurs, pour l'éolien, pour tout ça, pour tout ce qui est électricité. Tous les flexibles dans les moteurs aussi sont des tresses. Vous regardez, dès que vous voyez quelque chose où ça s'entrecroise de manière oblique, c'est une tresse. Il y en a partout, partout, partout. Et pourtant, c'est pas connu. Alors, la raison est simple, c'est que le tissage et le tricotage et le crochet, qui est un troisième monde qui n'est pas nommé puisqu'on l'a pas ici, c'est le seul qu'on n'a pas, existent en grande largeur. La tresse n'existe pas, de nos jours en grande largeur. Voilà. C'est pour ça. Donc, vous le voyez pas comme vos draps, etc. Et du coup, dans l'imaginaire populaire, eh bien, c'est un produit qui n'est pas présent, Dans tout simplement. l'imaginaire populaire, le monde de l'industrie est assez opaque aussi. C'est pour ça que moi je suis heureux de te donner la parole aujourd'hui, Olivier, parce que on utilise un peu de temps en temps cette idée qu'il faut réindustrialiser la France, mais on a vraiment du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, et à quel point. À un moment pas si lointain en France, on avait toutes ces industries, ces fleurons et ces savoir-faire qui étaient parfois à quelques dizaines de kilomètres de chez nous et des travailleurs et des travailleuses qui étaient employés par centaines, par milliers parfois aussi. Et c'est pour ça que la Nef, elles m'ont donné ton contact. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis heureux de te donner la parole, Olivier, parce que vous faites un métier qui est issu d'un long héritage, mais c'est aussi un métier Un héritage qui n'est pas très glorieux quand qui même. est pas Je veux très dire, glorieux. 600 000 emplois jusque dans les années 90, on n'est plus que 100 000. Alors c'est vrai que ça ne baisse plus depuis une dizaine d'années, ça s'est stabilisé autour de 100 000, mais quelle Quelle dégringolade. dégringolade. Et à la fois, Donc vous essayez de le faire en vous réinventant, c'est ça aussi que toi je voulais tu es dire, Olivier. à Lyon, mais imagine ceux qui sont à Roubaix, Courcoing, etc., quelle image ont les gens de Ouais, j'avais l'industrie visité textile. des usines là-bas à une autre époque et c'était saisissant. Et effectivement, alors, cette résilience, si tu veux, elle est là, puisqu'on a encore 100 000 et puis que c'est plutôt en progression. Cette année, c'est encore plus, il y a de nouveau une crise, hein, qui porte pas son nom. On la voit très bien. Mais nous, c'est en nous réinventant tout le temps, en ayant à chercher des savoir-faire. Parce que dans la question qu'on disait, cette industrie est un mystère pour le public, c'était un petit peu ton propos tout de suite. C'est de te dire, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? En gros, ce que je trouve, moi, je pourrais en parler un petit peu, moi j'étais dans les services avant. Je suis arrivé par volonté pour devenir un chef d'entreprise. Mais j'étais dans les services, dans la banque. Mais à un moment, qu'est-ce qui m'a plu dans cette industrie? C'est pas que je me suis dit c'est dégueulasse, ça fait du bruit, ça pollue. Parce qu'en plus, c'est faux en grande partie. Mais je me suis dit, on fabrique quelque chose qui est très concret, qui est palpable. Quand je touche un des jolis produits, il y a une fierté, quoi. Et c'est ça aussi la fierté des personnes qui travaillent ici. C'est de voir concrètement la beauté du produit qu'on fabrique. La beauté du prêt que fait une banque ou du contrat d'assurance que met un assureur, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué à palper, si vous voulez. Et voilà. Donc, il y a cet aspect qui est très joli. Après, moi, j'ai eu volonté de faire un cadre de travail agréable, que les gens viennent dans un cadre de travail agréable aussi. Et ça, c'est important. Les principaux projets, quand on regarde dans notre feuille de route actuellement, touche les conditions de travail et la sécurité. Donc, effectivement, on est très, très loin de l'usine qu'on imagine au 19e siècle, de ces usines industrielles textiles énormes dans lesquelles les conditions de travail n'étaient pas faciles. Maintenant, tout ce qui touche l'humain. Quel autre engagement, Olivier, vous prenez? Parce que je le disais en introduction, vous êtes soutenu par la Nef et être soutenu par la Nef, c'est quand même pas une banque comme les autres. Donc, qu'est-ce que ça dit de vos engagements et où est-ce que vous en êtes actuellement sur les questions, tu l'as dit là, de qualité de vie au travail, mais aussi d'impact écologique, tu commençais à les Alors, mentionner? c'est un vaste sujet, hein. On va aller à l'essentiel sur ce qu'a. Je redonne un petit cadre général, puis on ira à l'essentiel. On a fait un bilan carbone, donc au niveau de SCF, avec un organisme qui s'appelle Horace. Et ce bilan carbone révèle que 70% de notre bilan carbone, donc de ce que l'on produit, hein, comme carbone, donc négatif, hein, du fait de notre production, provient de notre approvisionnement en fil. Parce que beaucoup des fils que l'on achète, même s'ils sont labellisés comme étant propres, comme par exemple certains cotons, où il y a un organisme international qui les labellise, bah malgré tout, ça reste pas propre en réalité. Et puis surtout, ça vient de loin. Donc là, c'est un champ sur lequel je n'accepte pas le principe de dire on peut rien faire. C'est difficile d'agir parce que beaucoup des fils qu'on utilise sont demandés par nos clients et qu'on n'a pas beaucoup d'influence sur nos clients. Pour autant, on a décidé de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et on intervient beaucoup pour mettre en avant des fils propres et qui viennent du territoire français. Alors, il n'y en a pas 36. Pourtant, quel fil, quel passé glorieux, quelle utilisation et quel dommage que des lobbyings ont fait qu'ils disparaissent au profit du coton. Alors, je sais pas, je vais pas vous faire un quiz, Julien, je voudrais bien piéger en vous demandant, bah, vous allez me dire c'est lesquels avec ce que j'ai dit. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui ont deviné. Mais il y en a pour l'hiver et l'autre pour l'été d'ailleurs, même si les deux vont très bien l'un comme l'autre, parce qu'ils sont très très bons en termes de résistance thermique, voire même l'un pour la résistance au feu. Bah, évidemment la laine, vous en doutiez, vous aviez presque deviné, et le deuxième, pour nos amis Et puis le normands, lin, trois non? genuflexions, bravo à vous, le lin. Aïe. Voilà, donc là il y a des filières qui sont reconstituées, qui sont en train de se reconstituer autour de collectifs, autour de ces deux fils merveilleux, et des expériences autour du chanvre qui sont en train de se faire. Et ça, moi, j'y crois beaucoup et j'aimerais tellement qu'il y ait un vrai appui de l'État, du lobbying, pour qu'on aille booster et pousser près de nos amis de la mode parisienne pour que de plus en plus ces fils soient un peu plus chers, soit qu'ils présentent quelques contraintes, mais ce prix a tel avantage comparatif de ce bilan RSE qui serait, mais alors, extrêmement amélioré. Ça serait extraordinaire. Bon, voilà. Le sujet qui est venu par la Nef est très intéressant Et cette fois-ci, on replace à l'autre bout du cycle de production. Il y avait l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Bon. Et alors, je vous parle quand même du pendant. Je vais revenir à l'après. Le pendant, ben, il y a nos consommations d'électrique, il y a tout ça. On a un certain nombre de chantiers pour réduire à quantité équivalente ce qu'on consomme en électricité, puisque nous, c'est surtout ça et principalement ça. On a mené un projet là avec l'ADEME, qui est un organisme qui est soutenu par l'État pour la décarbonisation de la France, où on change les machines les plus énergivores et on décarbonise le bâtiment le plus ancien en l'isolant. Donc voilà, on est très actif sur ce pilier central qui est le pendant la production. Si vous parlez de RSE, d'amélioration des conditions de travail, il y a tous les chantiers qu'on mène de manière participative avec les... Le CHSCT n'existe pas, on l'a recréé, nous, parce que ça ressemble à ça, dans lequel sur 50, vous voyez, on est 10, hein, beaucoup, de l'ouvrière à un chef d'usine en passant par moi, et on discute, tiens, faudrait un abri à vélo, tiens, faudrait ci, tiens, faudrait ça, pour toujours, parce que jamais on arrête, et jamais on arrêtera d'améliorer les conditions de travail. Bon, j'y arrive, le sujet. L'après, alors qu'est-ce qui se passe? On produit, je ne me suis pas trompé, 30 millions de mètres par an. 30 millions de mètres par an de production. On va faire de grosses productions qui vont faire sur un même produit quasiment 1 million de mètres par mois, à des productions où chaque semaine on lance à peu près 150 productions de micro-quantité pour des tests, pour des défilés à Paris, etc. Donc micro-quantité, c'est quelques mètres. Ça signifie qu'on va monter un métier à tisser, tresser ou tricoter pour quelques mètres. Lorsque l'on prépare le fil en amont, on ne sait pas la quantité de fil qu'on va gâcher pour régler le métier. Et forcément, on aura plus de production qu'attendu. Production conforme, mais qu'on ne livre pas au client. Et dans le passé, vous entendez bien, c'est pas sympa à entendre, c'était jeté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, ça m'a rendu soucieux. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de tout ça? Au début, j'ai eu une analyse assez logique du chef d'entreprise, c'est de dire comment on peut plus ajuster la quantité de fil en amont, mais on s'est vite rendu compte que c'était quasiment insolvable. Nous, quand on appuyait sur le bouton d'un métier bien réglé, même les machines en bois de 1830, elles sont automatiques dès cette époque-là, hein, 1830-1900, les vieilles machines à tresser, ça tombe tout seul, on fait autre chose. Donc, tant que la canette de fil, hein, le support sur lequel est le fil n'est pas vide, ça produit. Si le client a demandé 10 mètres, la quantité de fil qu'on a mis, ça va faire 30 mètres, il y a 30 mètres, il y a 20 mètres. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, on était face à cette question. Et puis, tout a commencé par un accident vers 2012, où j'étais sur un gros salon parisien pour rencontrer mes clients de la mode. Donc, un salon où on expose. Et au dernier moment, avant l'ouverture du salon, mes équipes commerciales me disent « Tiens, il manque deux tabourets. » Bon, je vais au commissariat, je demande les deux tabourets. Et le salon dure 3 jours, et ils me donnent une facture de 120 euros pour les deux tabourets. Des petits tabourets qui sont boîtes en plastique, là, qu'on voit un peu partout. Donc, je les regarde, ça m'énerve un peu, puis je leur dis, pour 120 euros de tabourets comme ça, je pense que vous me les donnez à la fin, vous faites ce que vous voulez, on les jette. Vous avez bien entendu. Je reviens sur le stand et ça m'agace et je croise Sophie, qui était une jeune femme qui, très chouette, qui nous aidait à faire ses premières collections qu'on exposait. Vous savez, ce fameux pilier que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on avait besoin de sachants, de gens qui savent faire une collection. J'avais demandé à cette dame, Sophie Dalla Rosa, de nous aider. Et je la regarde, j'étais très agacé, je lui dis, tiens, la prochaine fois, plutôt que me faire une collection, vous me ferez un tabouret. Et elle m'a dit, ok, chiche. Mais ça a été très vite qu'un jour après, j'avais une structure en bois avec des cordes pour faire l'assise. Et donc, on pouvait, via ce tabouret, utiliser des cordes qu'on jetait. Et puis, ça a continué comme ça. Quelques années après, on a rencontré un monsieur extraordinaire de Lyon, Julien, tiens, il est de chez toi. Il était installé à Lyon, il avait fait l'école de design à Saint-Étienne. Il s'appelle Amaury Poudret. Et il se balade dans l'usine, il dit, mais vous faites quoi toutes ces sangles enroulées? Or, quand les sangles sont enroulées, ça fait une galette, dans notre jargon, de ces galettes de sangles. Je dis, on les garde, puis au bout d'un moment, il y en a trop, on les jette. Et puis, il me fait, on va faire des cabas avec, et on crée des cabas. Et ainsi de suite. Et puis en 2020, il y a 4 jeunes filles qui me disent on n'arrive pas à vendre tous ces produits, ce tabouret, ces cabas, on va les vendre nous-mêmes. Je dis c'est pas vendre aux particuliers, on est industriel. Si, on va apprendre. Et on crée une structure à part qui s'appelle Made by Bobine. Donc il y a un site internet, made-by, et bobine.fr. Et c'est ce site et cette société qu'on a créée à part, qui est une ESS, entreprise sociale et solidaire, que la NEF est venue financer pour nous aider à nous développer. Et qui a même créé les conditions du lancement d'un tiers-lieu. Voilà, alors ça c'est venu après. Qu'est-ce qui nous a pris là? Excusez-moi, ça me fait rigoler, Julien. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est vraiment dans le sujet aujourd'hui, je ne fais pas exprès, mais bon. Effectivement, quand j'ai racheté en 2010, il y avait des locaux, vous savez, ces locaux dont je vous ai parlé, où les Ferchois étaient partis de la grange, puis ils avaient agrandi 7 ou 8 fois des bâtiments les uns contre les autres. Et c'était très sombre, c'était black plafond. Et je me suis vite dit que ces locaux, ce n'était pas possible, il fallait qu'on déménage. En 2014, bon, je me mets d'accord avec les banques, puis la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui va nous soutenir fortement. Et nous, nous construisons des bâtiments neufs sur la zone industrielle à 900 mètres, où on avait déjà un premier bâtiment. On en rajoute 2, donc il y a 3 bâtiments. Puis en 2016, un 4e. Et bien, on se retrouve avec ces vieux bâtiments qui font 2000 mètres carrés en centre-ville du village, pas ergonomiques, mal isolés, etc., dans lequel on va stocker des machines parce que on n'arrête pas d'acheter des machines depuis que je suis arrivé, tel point que maintenant on en a 2000. Donc on stocke des métiers qu'on va chercher quand on en a besoin. Et il y avait cette partie ferme qui se dégradait et qui était pourtant un vieux bâtiment du 19e. Et je me dis, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on s'est dit, on pourrait faire des choses en disant, mais l'industrie textile, c'est chouette, on peut faire du loisir avec. Et on avait expérimenté ça déjà parce que avec l'aide de la mairie de Paris, on avait ouvert un lieu dans le Marais, à la caserne des Minis, à côté de la place des Vosges, qui s'appelle l'atelier de tressage, SCF, l'atelier de tressage, qui est un petit lieu de 20 mètres carrés, où déjà on avait commencé à vendre des fins de production plutôt que les jeter. On avait commencé à essayer de vendre les cabas et les tabourets, et puis des lacets, et puis des tas de choses comme ça, qu'on vend sur site internet, là, que je vous ai dit tout à l'heure, madebybobine.fr. Et surtout, on s'était dit, tiens, les Parisiens, ils aiment bien, ils ont envie de choses qui ont du sens. Et on proposait à des gens de venir à des ateliers de 2 heures et fabriquer leurs cordons sur mesure sur un vieux métier de 1830. Ils ne sont pas dangereux. En 2 heures, on peut leur apprendre à monter le métier, sans aller trop loin, mais ils le montent, en choisissant le fil, évidemment du lin ou de la laine, on est bien d'accord, des fils qui ont vraiment des valeurs pour moi. Et ils repartaient avec leur cordon sur mesure, c'était très joyeux. Et là, on se dit, on voit cet appel à projet, manifestation d'intérêt de l'État, et on le dépose, c'est 2022, on dépose cet appel à projet, et là, on reçoit une subvention, ce qui nous permet de restaurer cette vieille ferme, donc ces anciens bureaux qui étaient ceux de l'usine avant, pour en faire un tiers-lieu, donc un lieu hybride, ouvert à tout public. Ouais, bravo Olivier pour toute cette évolution. En fait, j'ai l'impression que là, dans toute la présentation, on a un peu picoré à droite à gauche, mais je trouvais que c'était une manière de faire ce patchwork un peu de l'entreprise, de la SCF et de l'évolution et de comment aujourd'hui on peut continuer à être une industrie vivante, innovante, qui prend soin du vivant ou en tout cas qui se pose la question pour le faire au maximum. On va partir en 2030 glorieuse, Olivier, dans quelques instants, si tu le veux bien, parce que moi aussi, l'idée, c'est de se dire que j'aimerais bien... comprendre, et notamment avec ton aide, à quoi ressemblerait la France s'il y avait plein à nouveau de SCF partout sur le territoire, qu'est-ce que ça changerait pour nos vies. Mais avant ça, l'invité vient toujours avec une petite bulle d'inspiration qu'il trouve dans un livre et qui porte des valeurs qu'il aimerait voir se développer en 2030 glorieuse. Toi, tu es venu avec un texte que tu m'as dit un peu complexe, mais que tu connais quasiment par cœur. J'ai l'impression que c'est un texte qui t'est cher, c'est lequel? Ah oui, alors c'est... J'ai beaucoup lu à une époque, je lis moins depuis que j'ai l'usine. Alors j'aimais beaucoup des livres historiques, comme Au nom de la rose, par exemple. Beaucoup de livres. Et puis, il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué parce que je trouve que c'était très bien écrit, très beau. C'est Les mémoires d'Adrien, bon, de Yourcenar. Bon, voilà. Une femme aussi extraordinaire. Beau parcours. Et ce livre a un passage qui me frappe parce que il peut complètement refléter l'ambition que pourrait avoir un chef d'entreprise pour son entreprise, dans le sens où Adrien, au début d'un chapitre, parle de l'ambition qu'il a pour Rome. Et ça commence comme ça. « Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant d'or d'un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement entourés de remparts. J'ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceux-ci le long des forêts germaniques et des landes bretonnes. Chaque fois que je regarde au loin, au détour de quelques routes ensoleillées, une acropole grecque et sa ville parfaite comme une fleur reliée à sa colline, comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l'espace et dans un segment du temps. Sa seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine, la semence d'idées dont la Grèce a fécondé le monde. Mais Rome, plus lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité est devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargit encore, devint ordre du monde, ordre des choses, des vertus qui suffisaient pour la petite ville des sept collines aurait à s'assouplir, à se diversifier, pour convertir à toute la terre. Rome, que j'osais le premier de qualifier d'éternel, s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie, progénitrices des hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions et des ruches d'abeilles. Mais toute création humaine qui prétend à l'éternité doit s'adapter au rythme changeant des grands objets naturels, s'accorder au temps des astres. Notre Rome n'est plus la bourgade pastorale du vieil Évandre, grosse d'un avenir qui est déjà en partie passé. La Rome de proie de la République a rempli son rôle. La folle capitale des premiers Césars tend d'elle-même à s'élargir. D'autres Roms viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurais contribué à former. Super lien que tu nous fais avec les 2030 Glorieuses, qui est un monde dans lequel moi je voyage régulièrement. En fait, même je crois que je peux dire qu'aujourd'hui j'y vis quasiment de manière permanente, puisque j'ai l'impression, et c'est partagé par pas mal de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense notamment à des personnes comme Sandrine Roudot, à Mathieu Baudin et à tellement d'autres qui disent que ce sont les utopies qui permettent de produire des ruptures. Qui seront vraiment cette fois à la hauteur des enjeux de notre siècle. On a besoin de rêver pour mettre en mouvement ensuite la société et réussir à accomplir des choses qui pourtant nous semblaient inatteignables. Et donc aujourd'hui j'essaie de faire ce travail d'aller vers des personnes qui s'autorisent à incarner, à faire tenir et à faire exister ces utopies un peu partout autour de nous, qui parfois passent à côté en fait de... qui parfois sont invisibles, qui parfois sont inentendables, inaudibles, et qui pourtant, si elles changeaient d'échelle, si elles devenaient la norme, radicalement changeraient notre territoire, changeraient notre rapport au temps, à l'argent, au travail, à l'économie, à la croissance, à tellement de choses. Et avec toi, Olivier, j'aimerais faire cet exercice en voyageant dans ces 2030 glorieuses, en s'autorisant à imaginer largement, sans entrave, à parler de ces futurs au présent, pour les rendre encore plus tangibles, encore plus immédiats, la possibilité voilà, de se dire, tiens, si une France réindustrialisée qui réussirait à conjuguer héritage et innovation existait, à quoi ça ressemblerait ? Donc je te propose qu'on le décrète, et je te dis même que le temps de mon introduction un peu longue, on est en 2030 glorieuse. Si tu as besoin de ça, ferme les yeux pour te mettre dans cette dynamique-là. Et ma première question pour toi, Olivier, si tu le veux bien, c'est tu regardes par la fenêtre, là, en 2030 glorieuse. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas exactement à quelle époque tu es en 2030 glorieuse. Peut-être que c'est en 2032, peut-être que c'est en 2038, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vois à travers ta fenêtre en 2030 glorieuse, Olivier, s'il te plaît ? Je vais commencer par une boutade en invitant un personnage... incroyable, que je trouve très intéressant, c'est Edgar Morin. Et en disant la certitude, c'est l'incertitude. Donc, Je vais peut-être parler des certitudes, je suis obligé. Mais c'est une certitude. Alors, ces certitudes, je vais en parler puisque, en tant que chef d'entreprise, on mène couramment cet exercice. On appelle ça un business plan. Les financeurs nous demandent de le faire sur 4-5 ans. À chaque fois que je le fais, je le fais sur 2 ans. Et après, sur les années suivantes, je mets un taux de croissance bateau exactement le même. Et puis, avec Excel, on fait des miracles. Hein. Et je multiplie tout ça. Bon. Donc, effectivement, cette feuille de route hein, de la société, je pourrais en parler. Mais en réalité, ce que je perçois dans la question, c'est que c'est beaucoup plus vaste. C'est aussi de parler d'un monde dans 5 ans, puisqu'on est dans 5 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sais, les 30 Glorieuses ont couru sur 30 ans. Peut-être qu'il y a cette répétition un peu cyclique des 2030 Glorieuses qui pourraient courir sur une nouvelle trentaine d'années, mais où la croissance ne serait pas une croissance économique dopée au pétrole et à la surcompétition, peut-être d'autres croissances qui seraient d'innovation, d'entraide, de créativité, comme vous faisiez déjà tout l'étalage avec la SCF il y a peut-être 10-15 ans en arrière. Tu te souviens, on s'était parlé en 2025 à l'époque. Moi, j'avais une question pour toi. En 2030 Glorieuse, l'industrie française, elle a retrouvé des couleurs et on assiste à ce mouvement de rapprochement des objets du quotidien que les Français utilisent. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2025, on disait qu'il y avait non, plus en, de... En fait, désolé Julien, mais en 2030, l'industrie française a retrouvé des couleurs. Bon, la question est là, si je la résume. En fait, cette question telle qu'elle est posée, je me porte à faux parce que la vraie question, c'est pas ça. La question, c'est la persuasion qu'on a de cette industrie. Dans la question, on voit bien que la persuasion, déjà, elle est fausse. C'est-à-dire qu'on sous-entend tout de suite qu'elle n'a pas de couleur. Et c'est plus un problème de persuasion que de réalité. On a une industrie, il y a des couleurs. Maintenant, oui, il y a beaucoup à faire pour continuer à la développer et la maintenir. Je dirais déjà la maintenir et la développer. Donc, en 2030, s'il y avait un rêve, effectivement, bah, c'est que je rentre pas dans des questions purement politiques de simplification des démarches administratives qui pèsent beaucoup, de tout ce qui peut bloquer l'entrepreneuriat, de ce qui pourrait aussi le favoriser, hein, notamment sur la succession, sur les boîtes comme nous, ce qui peut être très compliqué, hein, c'est le départ du chef d'entreprise. Il y en a beaucoup d'entreprises qui capotent. Parce que... Donc, décrétons-le. Oui. En France, en 2030 Glorieuse, il y a de la simplification administrative. On aide pour justement les processus de succession, de transmission des entreprises. Et puis après, il y a un autre aspect qui touche, on parlait du numérique tout à l'heure, qui est aussi, je dirais, de redonner valeur au métier manuel. Parce que comme on est dans l'industrie, bah, effectivement, on a vraiment des métiers dans lesquels on touche effectivement les choses qui sont manuelles et que le système éducatif a eu tendance à dévaloriser tout ce qui... Comment on a fait ça, Olivier, pour revaloriser les métiers manuels qui, comme tu le disais très bien, étaient économiquement peu valorisés? Mais je trouve que c'était aussi dans les histoires, dans les perceptions, très, très mal vues, très mal vécues. On avait l'impression, quand on allait étudier dans une filière manuelle, c'était souvent une voie de garage. Comment on a changé ça? Alors, je sais pas si on l'a changé. J'ai pas suffisamment de benchmark pour juger hein, si c'est moins bien ou pire qu'avant. Ce que je vois, c'est que c'est pas évident d'attirer les jeunes, surtout dans une industrie comme nous qui a pas une réputation extraordinaire, mais qu'on y arrive. Et que, somme toute, même dans une région comme la nôtre qui a pas de chômage, on arrive à recruter parce qu'on a une bonne réputation, parce qu'on a des conditions de travail agréables. Donc, toujours en projetant dans les 10-15 ans. Ce que je disais tout au long de ce podcast, bah, cette tendance, c'est de la continuer, voire de l'accentuer sur des conditions de travail agréables, l'humain au centre de tout, une gestion très participative, hein, ça c'est important, c'est-à-dire que d'inclure de plus en plus toute personne dans l'entreprise dans le cycle de décision, de les informer, voire même des systèmes plus participatifs sur l'actionnariat, etc. Tout ça, pour moi, c'est un avenir qui est difficile à mettre en place sur une boîte de notre taille. On voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué sur une petite boîte comme nous parce que les tickets d'entrée pour le mettre en place restent très chers et que du coup, bah, vu notre taille, ça reste des budgets très, très importants. J'ai étudié la question, c'est difficile. Donc ça, c'est une chose où moi, je trouve qu'est l'avenir. C'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas une caste de dirigeants, une caste de gens qui travaillent dans l'entreprise et que il faut remettre au goût du jour le, parce que c'est ancien, hein, c'était De Gaulle qui avait lancé ça, le fait que la gouvernance des entreprises soit très très participative et inclut tout le monde, parce que plus les gens sont, je dirais, les gens qui travaillent dans une entreprise à tous les niveaux sont inclus dans la décision, plus les décisions seront intelligentes et adéquates. Donc ça, c'est une vision que j'ai. Est-ce que ça favorisera la réindustrialisation? Je ne sais pas. Après, je dirais qu'une des clés pour que ça fonctionne, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est la politique fiscale, mais aussi la politique de, je dirais, de donnant-donnant sur l'export. C'est-à-dire, il faut que nos politiques et l'Europe arrêtent de sacrifier des pans d'économie européenne au détriment d'autres parce qu'ils jugent que c'est plus stratégique. Et c'est ce qui s'est fait sur le textile en passé, hein. On a donné des droits d'import à des tas de pays pour leur vendre des Airbus, etc. Bon. Et ça, si vous voulez, on a beau être très progressiste, investir, prendre des risques comme je l'ai fait depuis des années, parce que j'ai pris des risques en investissant, quelquefois plus qu'une mesure, et je continuerai à le faire dans les années à venir, j'ai encore envie, ce qu'on est en train de faire. Tout ça, ça tiendra pas si des politiques comme ça, industrielles au niveau national et européennes, sont tellement défavorables à nous qu'on ne pourra pas lutter. Ouais, donc un gros coup de pouce, c'est un coup de pouce économique, c'est un coup de pouce politique, c'est l'encadrement oui. de certains marchés. C'est pas suffisant. C'est par, aussi parfois une du protectionnisme. Stratégique et cette vision doit coller aux attentes marchés. C'est même le principal. Le principal, c'est une fois de plus, c'est le cadre de travail et ce qu'on apporte à ces équipes pour qu'ils soient heureux au travail. Ça, c'est le principal. Parce que s'ils sont là, ça devient des alerteurs qui sont capables de se prononcer, de parler, qui n'ont pas peur d'un sacro-saint patron en lui disant des trucs, pour lui dire attention, là, ça nous inquiète, est-ce qu'il ne faudrait pas faire... Et les bonnes idées viennent. Et le deuxième élément, c'est vraiment une observation de ces marchés, de voir comment ils évoluent, comment on s'adapte. Et donc là, c'est l'innovation. Julien, tu en as beaucoup parlé tout à l'heure, bah, effectivement, il faut toujours qu'on soit en alerte pour se dire, tiens, il faudrait qu'on fasse ce nouveau produit, tiens, il faudrait qu'on mette au point cette nouvelle machine, tiens, il faudrait qu'on automatise ça, soit pour les gains de production, mais aussi pour baisser la pénibilité, etc. etc. Et cette observation des marchés, bah, c'est sortir, c'est aller à la rencontre des clients, c'est observer. Et puis après, effectivement, je dirais que ce n'est pas un levier de croissance, c'est un levier qui enlève des freins à la croissance, c'est la politique industrielle et d'export de nos États. Et ça, il faut vraiment que ces freins-là, ils ne nous les mettent pas à fond, parce que là, on aura beau être très bon sur les autres leviers que j'ai nommés, bah, ça ne marchera pas. Une autre idée avec laquelle j'ai envie de te faire un peu jouer, en 2030 glorieuse, le consommateur est plus éclairé et comprend que parfois, payer un peu plus un produit, c'est aussi investir dans de la qualité, dans de l'emploi local, dans du savoir-faire et donc dans un produit qui sera plus beau et qui durera plus longtemps. Comment des consommateurs éclairés peuvent aider les filières comme la tienne parce qu'ils consomment des produits en lin, parce qu'ils consomment des produits qui ont été faits sur des machines particulières, parce que c'était des savoir-faire que nous avions et nous avons redéployés en France. Quelle incidence pour des entreprises comme la tienne cette élévation de la conscience des consommateurs? Alors, je peux répondre à la question, même si nous, à part Made by Bobine, hein, mais c'est de l'upcycling, on récupère des choses qui sont jetées, mais sur des marchés de masse, on n'a pas accès directement, puisque nous sommes au service des marques. Bon. Mais moyennant ça, ça m'amène quand même une première réflexion, qui n'est pas très positive, celle-ci. C'est de dire que tout n'est pas réindustrialisable. Et ça pose la question de qu'est-ce qui est réindustrialisable, qu'est-ce qui est fait à l'étranger qu'on pourrait rapatrier. Ça signifie que, soit c'est des produits sur lesquels il y a suffisamment de marge, un prix suffisamment important pour que on puisse faire du Made in France, mais on tombe vite dans le prisme un peu facile, d'une réponse un peu trop facile qui est de dire, bah oui, des produits haut de gamme, des produits chers, voilà. Mais du coup, on ne touche pas les consommateurs courants, on va toucher qu'une petite frange de la population. Si on allait sur des produits beaucoup plus larges, il n'y a pas 36 solutions, on en a nommé, on revient toujours sur ce mot, il y a innovation, et chez nous, c'est d'être capable, je donnerai un exemple après, hein, c'est d'être capable de faire un produit courant qui est vendu pas très cher à des coûts de revient asiatiques. Donc, en automatisant, en trouvant des procédés qui permettent de le faire. Alors, il y a des exemples, hein, il y a eu, par exemple, depuis pas mal d'années, là, une usine montée vers Rouen, donc vers chez toi, hein, Julien, qui produit des chaussures sneakers, hein, 500 000 par an à peu près, hein, un coût de revient, je pense, hein, faudrait confirmer avec eux, plus ou moins équivalent au coût de revient chinois, et un taux d'automatisation, il me semble, entre 80 et 90%. Bon, donc voilà, il y a des solutions, il y a des choses qui existent, ça demande beaucoup d'ingéniosité, de lourds investissements au début, donc il faut une volonté. Et s'il n'y a pas cette volonté, elle ne vient pas que des consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont capables de risquer des capitaux pour dire on va y aller et on va le faire. Toi, Olivier, tu te projettes dans 10 ans. Qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorious ? Tu as réussi à trouver une succession ? Il faudra que je sois très actif pour préparer ma succession déjà. Ça, c'est très personnel. Et ensuite, sur l'entreprise, je me présente comme étant beaucoup plus présent sur des marchés. Bah, actuellement, nous, notre plan de développement est beaucoup sur des marchés techniques et puis des marchés liés à la mode. Mais on reste sur le prix, comme je disais tout à l'heure, plutôt des marchés haut de gamme, voire luxe. Et peut-être d'arriver en partenariat avec des marques, moins haut de gamme, à fournir cordons, etc. sur des produits plus accessibles. Alors, on a déjà eu hein, avec des marques bien connues, comme le Slip français, comme 1083, etc., comme Cocorico, par exemple. Donc, il y a plein de gens qui se sont lancés pour faire du produit accessible Made in France. Et c'est de se dire qu'il y a un véritable succès pour ce type de marque, beaucoup plus que c'est actuellement. Ça, c'est des marques, si vous voulez nous soutenir, bah, et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une des grandes marques parisiennes, bah, je dirais que c'est ces marques-là qu'il faut aller soutenir. Il faut regarder un peu tout ce qui est les marques de vêtements, de chaussures du Made in France. Dans notre région, par exemple, il y a Cécile qui fait des très belles chaussures Made in France, des sneakers, etc., etc. Et là, vous nous soutenez indirectement. Et que je trouve qu'effectivement, il y a un plafond de verre qui fait que ces marques n'ont jamais réussi à prendre des parts de marché prépondérantes dans le paysage français. Et pourtant, ils s'en donnent les moyens. Ouais, bah tu réponds à ma dernière question pour toi, Olivier. C'était de dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, là, qui. Bon, alors l'exercice des 2030 Glorious n'était pas évident avec toi. Et c'est aussi. Moi, je trouve un exercice intéressant que de voir que bah, parfois se projeter en 2030 Glorious, décider de décréter l'utopie, c'est pas quelque chose auquel on est habitué et la tête dans le guidon de nos quotidiens et notamment d'entrepreneurs bien chargés, ça rend la chose encore moins facile. Mais je suis content d'avoir essayé de te proposer cet exercice. Mais si jamais tu dois dire aux personnes qui nous écoutent, ben voilà, en fait, une France réindustrialisée avec des industries innovantes, mais qui savent continuer à honorer nos savoir-faire, nos héritages culturels, techniques, historiques, comment ils font pour aider à soutenir ça ? Bah, tu réponds un peu à cette question en disant consommer français, consommer ces marques comme 1083, le Slip français. J'imagine aussi d'aller voir ce que vous faites avec Made by Bobine, peut-être d'autres idées. Oui, on pourrait citer beaucoup d'autres marques. Hein. Il y en a pas mal qui se sont lancées dans le Made in France et pas uniquement sur le prêt-à-porter ou la chaussure comme Cécile hein, que je nommais tout à l'heure. Il y en a d'autres hein, marques qui le font. Il y a aussi sur d'autres produits. Mais effectivement, ce que j'inviterais, moi, le consommateur, c'est qu'avant d'acheter, qu'ils prennent le temps hein, de regarder l'étiquette, bien de se renseigner sur Internet, les réseaux sociaux, voir autour d'eux, voir dans les boutiques. Et puis, ensuite, quand ils trouvent du Made in France avec une différence de prix, bien qu'ils se posent la question sur la durabilité du produit, le sens que ça a, parce que quelquefois, c'est sûr que d'acheter une sneakers à 70 euros et puis devoir payer une Made in France à 110 euros, ils vont se dire que c'est une énorme différence. Mais c'est de regarder si la sneaker Made in France dure deux fois plus longtemps. Elle crée des emplois, elle finance quelque sorte à travers ses emplois le système de répartition de nos retraites, notre santé. Peut-être que le calcul est vite fait en se disant « Bon, allez, je vais claquer un petit peu plus et je vais prendre du Made in France. » Merci Olivier. Merci à toi Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà.